Des belles rencontres. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de l'entretien qu'a eu Anne Bergeron avec Janine Bourret. Ça veut dire que dans ta démarche, tu as commencé par la gouache, ensuite tu as fait de l'acrylique, ensuite tu es allée, tu as vu, tu as fait de la gravure. Puis, tu as fait aussi de l'huile. Pourquoi tu es allée à l'huile? Est-ce que... J'avais connu l'huile au début, là, après avoir fait de la gouache et de l'acrylique. OK, parce que c'est... De la gouache et de l'aquarelle. Tu as fait de l'aquarelle après aussi. Après ça, j'ai fait de l'huile. Et après mes 25 années de gravure, où je m'empoisonnais avec ça. Moi, je faisais de l'eau forte, c'est des acides, des solvants, des... À un moment donné, j'étais plus Mais c'est capable. Ça, les eaux fortes? Je pensais que c'était juste de l'eau, mais en réalité, c'est autre chose. La gravure à l'eau forte, c'est une plaque de métal sur laquelle tu mets un vernis, tu brises le vernis pour créer ton dessin. Et ensuite, tu mets ça dans des acides, tout dépendant des effets que tu veux avoir. OK. Et ces acides-là, c'est de l'acide nitrique, là. C'est pas... Il faut quasiment que tu mettes un masque, dans le fond, mais peut-être qu'à cette époque-là... Ouais, il faut que tu mettes un masque. Ouais, c'est ça. et c'est ça, après 25 ans, j'avais plus vraiment la santé pour respirer l'huile, puis tout ça. Alors, doucement, je suis passée à l'acrylique. OK. Ouais. Oui. Et c'est un médium tellement extraordinaire. Ouais. Qui te permet de revenir sans arrêt sur ton tableau où t'as une rapidité, ça sèche vite, il y a moins d'odeur, il y a toujours des odeurs, il y a moins d'odeur. Mais moi, je trouve qu'il y a des possibilités avec l'acrylique. Parce qu'il y a de la fluidité aussi que tu peux mettre. Hein? Ah, on peut retrouver les effets d'aquarelle et si on met un peu de poudre dans l'acrylique, on peut créer aussi des effets un peu comme l'huile. Et c'est sûr que l'huile, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'avantages aux acryliques. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Donc, en ce moment, c'est ce que tu préfères faire, l'acrylique? Mais est-ce que tu touches quand même à tes autres médiums, comme l'huile? Je fais toujours un peu de gravure. L'huile, j'ai fait toute une belle série là sur le thème de l'eau avec l'huile. Oui, je l'ai vu cette belle petite série là que moi je trouve c'est des belles petites œuvres symboliques que j'ai vu. C'est aussi c'est de l'eau mais il y a de l'abstraction, c'est comme abstrait un petit peu. Comme l'eau peut être abstraite à certains moments donnés. Oui. Quand on regarde les vagues et les c'est plein. Jusqu'à un certain point, ça peut se mélanger aux nuages. Oui. Dans les effets, dans les... Tu peux voir des formes. Oui. Et puis là, tu continues toujours avec tous tes médiums. Tu fais encore de la gravure. Je fais toujours de la gravure. Qu'est-ce que ça veut dire, la gravure au carborandum? Le carborandum, c'est une poudre de marbre. C'est ce qu'on retrouve sur le papier sablé. Ah oui! Donc, c'est moins nocif. C'est moins nocif, effectivement. Que l'on colle sur une plaque de métal et ensuite c'est ancré et inversé sur un papier de la même façon qu'une eau forte. OK. Alors, en ce moment, est-ce que tu préfères faire ça? Oui. Oui. Pour deux raisons. C'est plus rapide. Parce qu'une eau forte, moi, sur une plaque, je pouvais passer un mois avant d'avoir un produit fini. C'est-à-dire une œuvre terminée. Tandis que ça, je peux passer deux semaines. Non, c'est plus rapide. C'est plus rapide, puis c'est moins nocif aussi. Puis tout les résultats sont très intéressants. Tout dépendant de ce que tu veux faire, tu peux faire à peu près tout. Mais la poudre de marbre, ça veut dire que tu fais venir ton marbre? Tu peux l'acheter en poudre ou tu peux l'acheter en déjà mélangé. Ah oui, c'est pas compliqué pour te le procurer. Non, ça se vend partout. De toute façon, tu as vu l'horizon artistique que tu as, tu peux aussi voir les choses qui se vendent facilement. Oui, puis moi, j'ai... Des Oui, ben les magasins pour l'art sont ouverts à tout le monde. Là, c'est pas un problème. Là où on s'arrête, c'est souvent, on s'imagine que parce que c'est pas écrit dans un livre, on peut pas le faire. Mais moi, j'ai travaillé avec des, j'ai fait de la gravure avec des morceaux de métal rouillé qui venaient des voitures. Mm-hmm. J'ai eu une période où je récupérais tout ce que je voyais sur la rue. Tout ce qui était morceaux de métal rouillés. Et ça, j'en ai mis beaucoup dans mes tableaux. Est-ce que ça fait partie d'un peu de l'art et l'environnement? Ou bien si c'était par curiosité, par... Non, c'est parce que je trouvais que ça s'intégrait très bien à mes œuvres. OK. C'était comme... c'est arrivé à un moment où c'était beau dans mes œuvres. Mais pour avoir une grande diversité comme ça, il faut aussi avoir du courage, il faut y aller, avoir même une certaine audace aussi. Parce que c'est plus audace que courage. Parce qu'il y a du monde qui va rester toujours dans le même médium. Ouais. Mais toi, tu as exploré beaucoup de choses. C'est de l'audace, mais de la curiosité. Ouais, moi, je pense que je suis vraiment curieuse. T'es curieuse, mais c'est bien. Je suis curieuse de tout. Ouais. Moi, j'écoute toutes sortes de musiques. Mm-hmm. J'écoute toutes sortes d'émissions. Donc, t'es ouverte. Moi, je suis ouverte à tout. Je me dis que non, des horizons avec des barrières, c'est non, il faut aller à droite, à gauche. Non, c'est ça. Si on me dit d'aller à gauche, je vais aller à droite. Puis tu suis ton intuition, Faut faire ça. Oui, autrement, ça devient un travail ardu. Ça devient trop rationnel. Oui, c'est ça. Il faut avoir du plaisir quand on fait ce travail-là, parce que... Il faut avoir du plaisir, comme tu dis, c'est vrai. C'est une grande part de la création, sinon on perd sa créativité. Oui. Puis aussi, je voulais te demander, parce que comme là, je sais que tu fais des choses abstraites, mais qui sont figuratives quand même, mais ceux qui sont plus figuratives, comme les animaux, les visages, les fleurs. Est-ce que tu te fais un croquis avant? Oui, je me fais. C'est-à-dire que je les dessine quand je vais les voir. Tu les dessines quand tu vas les voir? Dans le champ, les moutons, je vais les voir. Oh! Moi, j'ai pas de moutons chez nous. Il faut que j'aille les voir. Ah, que tu te déplaces. Ben oui. Ah, oh, c'est super, ça. Mais moi, il y en a qui vont prendre des photos ou des choses comme ça. Oui, c'est beau, les photos, mais faire un croquis, c'est encore mieux. Parce que faire un croquis à partir de ce qu'on voit, tu vois plus les dimensions, les différentes sortes. T'oublies des détails que la photo prend. Oui. On peut toujours. Mais ensuite, moi, j'installe ça dans des décors qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais c'est ça qui est beau, c'est le rêve. C'est ça, la peinture. Oui, c'est ça. Oui. La peinture et la photographie, c'est deux choses. On ne peut pas faire exactement comme la photo. Parce que sinon... Non, mais il y a un photographe qui a fait la photo. C'est ça. Toi, tu fais de la peinture. C'est ça. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est ça. Ouais. C'est ce que tu... c'est juste ce que tu vas prendre de ce que tu vas voir, que tu vas interpréter. C'est ça. Ouais. Exactement. Tandis que le photographe, il prend tout. Il y a la caméra pour tout prendre. Mm-hmm. On n'a pas besoin de ça en peinture. Non, tu le captes autrement. C'est ça. Aussi... tes toiles, je trouve qu'elles sont très belles, très colorées, très vivantes, très vives. Est-ce que ça se peut que des fois que c'est la couleur qui inspire ton sujet? Oui. Et la couleur m'inspire beaucoup. J'ai longtemps fait des bleus et des verts. Et là, je dois dire que c'est une période plus rouge. Puis dans ta période plus rouge, qu'est-ce que tu fais? Plus de ciel rouge? Tu mets des moutons avec un arrière-plan rouge? Ça dépend. Ça dépend. De ce temps-là, je fais des éléphants. Oh, oui. C'est un beau porte-bonheur. Je comprends. Mm-hmm. Alors, mais là, les éléphants, ils ne vont pas ici. Non, mais il faut quand même peut-être de l'observation aussi. Mais ça, c'est ce que tous les artistes devraient avoir. Oui, la sensation. Il y a un chinois qui disait, quand on va peindre en pleine nature, on ferme son cahier, puis on serre son crayon, puis on observe et on emmagasine. OK. Il faut plus observer que dessiner. Okay. Ensuite, quand tu as bien capté, tu as bien emmagasiné, assimilé, là, tu dessines. OK. Puis là, l'interprétation personnelle, ouais. Y va. Oui. Ah, ben ça, ouais. c'est bon à retenir. C'est un beau... c'est plus qu'un proverbe, c'est une application aussi. Oui, oui, oui, oui. Il faut vraiment regarder beaucoup. Puis aussi, on peut pas passer sous silence tes créations uniques de bijoux, parce que c'est digne d'en faire mention, parce qu'ils sont absolument exclusifs. Tu fais des colliers, des pendentifs, des bracelets, des bagues, même des boucles d'oreilles. Comment c'est venu cette créativité-là? C'est sûr, ça fait partie de ta curiosité, mais quand même, des bijoux de grande valeur que tu fais, parce qu'il y a des pierres précieuses, il y a des perles, il y a de l'argent. Tu sais, c'est pas mais un moi, petit bout de bois, là. Ouais. Ah, mais moi, j'ai mis des branches dans mes bijoux. Mes bijoux sont vraiment une suite à ma créativité. J'ai commencé à faire des bijoux en faisant du papier. Mes premiers bijoux ont été faits en papier. En papier? Ouais. Puis c'était des petits tableaux. Des petits tableaux portables. Oh, ça, puis, c'est joli. Des petits tableaux portables. Puis, je réussissais pas à les vendre. Les madames me disaient toujours, « Ah, c'est tellement beau, j'en prendrais un, mais je vais le briser. Oh. » Puis là, j'ai trouvé du polymère. Je les ai fait en polymère. Mm. Puis ça, c'est à peu près comme faire une eau forte. C'est très polymère. C'est très polymère. Et j'ai commencé avec le métal. Et là, j'ai découvert que je pouvais faire les mêmes textures que je fais dans mes papiers. Et mes bijoux sont vraiment des petites œuvres portables. Mm-hmm. Et c'est pas mm-hmm. de l'enfilage que je fais, mais c'est chaque bijou est une création. Mm-hmm. J'y travaille autant que lorsque je fais un tableau. Et moi, je trouve que c'est vraiment une suite. Et mm-hmm. dans ma créativité, bon, je peux être fatiguée de faire des tableaux, je m'en vais quelque temps en bijoux, ça, je reviens ouais. en... Puis là, le bijou me donne une idée en je tableau, comprends. Je retourne en tableau, puis... Mm-hmm. Parce que dans le fond, c'est bon, parce que subconscient travaille toujours, ouais. admettons que tu changes de médium, après tu reviens, mm-hmm. bon, tu trouves tout de suite qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est ça, puis c'est ça. Ce que j'aime en bijoux, c'est de créer mes pièces, de faire mes fermoirs, de faire mes... Tes fermoirs, ça c'est ça veut dire quoi quand tu dis tes fermoirs? Un fermoir, c'est l'attache du collier. L'attache, c'est ça que je voulais dire, ouais, l'attache. Qui devient okay. la pièce principale du collier, c'est ce qu'on met devant. Normalement, un petit fermoir qu'on achète en usine, mais ça, on met ça derrière. Derrière? Toi, tu le fais mais, devant. Moi, mais pour mes bijoux, comme si je fais un collier de perles, la tâche va être devant. Elle va être beaucoup plus grosse que les perles et ça devient oui. le sujet du... C'est comme le petit tableau que tu portes oui. à travers tes perles. Ah, ben tu vois, ça, c'est une chose que peu de gens font. C'était la seule qui a créé ça, les attaches devant. Bon, je pense qu'il y en a d'autres qui font... Mais en tout cas, c'est rare. Ça fait partie d'une collection rare. Et puis, c'est ça, ça veut dire que tu as commencé avec le papier, mais pour créer tes bijoux, est-ce que tu continues comme ça, ou si tu fais un petit dessin, ou si ça vient... Non, moi, je suis beaucoup... Intuitive. Spontanée. Quelquefois, si j'attendais de savoir ce que je veux faire, je travaillerais pas souvent. Vaut mieux commencer en ne sachant ça, pas ce vrai. Que tu vas faire, puis il y a quelque chose qui va arriver, puis tu revient. Le développes. Oui. Mais non, un bijou, c'est très rare, très rare. À moins que j'ai une pierre, puis que je sache vraiment pas où aller, je vais créer des petits dessins. Mm-hmm. Mais à part ça, c'est rare. Non, ça peut être un bout de métal qui reste d'un autre travail que j'ai fait qui va... Ah, si je faisais ça, puis là, je suis partie. Est-ce que tu étales toutes tes choses? Hein? Malheureusement, oui. C'est ça. Plus qu'on voit, plus que on sait à ouais. peu près qu'est-ce que c'est qu'il faut. Ça prend finalement beaucoup de place. C'est visuel aussi, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis pas... Il y avait un artiste dans... je me souviens plus de son nom. Son atelier, c'était comme un laboratoire. C'était tellement propre. Tellement propre, tellement bien rangé. Moi, je suis gênée d'amener des gens dans mon atelier. Ah, oh, mais ça, c'est bordélique. L'important, c'est que c'est ton laboratoire à ouais, toi c'est ça. Que tu te retrouves aussi. C'est ça. Mais je pense qu'il y avait Pellant, un artiste, Alfred Pellant, lui, c'était toujours bien... assez bien rangé aussi. Assez bien rangé, puis ses tableaux étaient aussi très, tu sais, comme pas chronométrés, mais c'est symétrique. Symétrique. C'est ça. Mais des fois, ça dépasse ce qu'on fait, ça se reflète aussi dans la façon dont on dispose nos... Mais moi, je suis bordélique, mais on m'a toujours dit, c'est tellement propre, tes tableaux. Ils sont beaux. Moi, j'ai trouvé très, très beaux. Oui, c'est ça, fait drôle. À suivre.